Les arts martiaux ont-ils une philosophie? Il faut d'abord savoir de quoi on parle. Le kung-fu dont on parlait hier n'a pas grand-chose à voir avec l'aïkido, ni le judo dont on parlera aujourd'hui, ni avec la boxe thaï ou le MMA dont on parlera cette semaine. Chaque art martial, mais est-ce un art? Chaque sport de combat a ses spécificités. Mais pour certains d'entre eux, il existe une voie à suivre. Le bushido, qui signifie littéralement « la voie du guerrier ». Obligation, devoir, comportement, quelle est l'éthique à suivre pour rester sur la voie? Commençons, puisque nous sommes à la radio, par le son, par l'ambiance. Et l'ambiance hier, avec le kung-fu, c'était ça. Et aujourd'hui, le judo, c'est plutôt ça. Lopez Sheriff face à Keldiyorova, c'est parti pour cette finale. Arigoshi, puis Kataguruma pour Keldiyorova, ça n'aboutit pas. On est en bordure. Et oh que c'était bien fait! C'est joli! Oh que c'était bien fait! Très bien fait! Keldiyorova d'entrée, une poignée de secondes pour l'Ouzbek qui explose en bordure et ce hippon magnifique! Oh là là là là là là! Morote Soenagi à genoux, me semble-t-il, ça a été très très vite! Ouais, saudé même peut-être! Quand j'ai connu mon Isabelle, elle était douce comme un agneau. Elle faisait de la dentelle, jouait des sonates au piano. Elle récitait des poèmes, par sa candeur mon cœur fut pris. Oui, mais elle n'est plus la même, car depuis que je suis son mari, ma femme fait du judo, je l'ai toujours sur le dos. Cet ange de douceur à l'âme d'un catcheur, pour un non, pour un oui, elle m'envoie au tapis. Je ne peux plus dire un mot depuis que ma femme fait du judo. Bonjour Coralie Camilli. Bonjour. Bienvenue merci, sur les chemins de la philosophie. Merci beaucoup d'être ici, je suis ravie. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous avez écrit un livre qui est publié aux éditions PUF, aux presses universitaires de France, qui s'appelle « L'art du combat », dans lequel vous réfléchissez à ce que sont les arts martiaux, certains arts martiaux, on va en parler. Vous êtes docteur en philosophie, deuxième dan d'aïkido. Ça veut dire quoi, deuxième dan? C'est un grade au-dessus de la ceinture noire. D'accord, donc ça veut dire que vous êtes très forte en aïkido. Ça veut dire que j'ai passé deux grades. La ceinture noire ici à Paris, sous la responsabilité du maître Christian Tissier-Chian, un des plus hauts gradés en Europe, et aussi également un des premiers Européens qui a été étudié l'aïkido au Japon, la maison mère. Et puis le deuxième dan, donc le grade au-dessus, je l'ai passé moi aussi directement au Japon. Et est-ce qu'il y a un lien entre votre doctorat en philosophie et votre dan en aïkido? Alors, pas un lien intellectuel, parce que mon doctorat de philosophie portait sur la philosophie juive. J'ai travaillé l'hébreu et le Talmud et la Torah et ce type de thématiques concernant le doctorat que j'ai fait en philosophie. Et puis, le lien que je peux faire par contre avec la pratique martiale, c'est qu'à la fin de la rédaction de la thèse doctorat, c'est-à-dire au bout de 4 ou 5 ans d'écriture continue, j'avais besoin de faire travailler le corps, les membres, les tendons, les muscles, autant que le cerveau. Et je me suis mise à la pratique des arts martiaux à ce moment-là, à la fin de la thèse doctorat. Et vous avez choisi directement l'aïkido? Oui, oui, directement l'aïkido. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que l'aïkido? Parce qu'on a commencé avec le judo, on croit plus savoir ce que c'est, mais je suis pas sûre d'ailleurs que quiconque puisse vraiment définir ce qu'est le judo. Commençons par l'aïkido. Bien sûr. Alors il y a beaucoup de fausses idées déjà concernant l'aïkido. La plupart des gens ont vu quelques vidéos sur internet où ils voient des beaux mouvements avec la grande jupe japonaise qu'on appelle le hakama, des belles chutes, des mouvements amples, arrondis, etc. On pense surtout que c'est une danse et que la question de l'efficacité, par exemple, n'est pas très présente. Aussi parce que c'est un art martial non compétitif, il n'y a pas de compétition, contrairement au MMA, au judo, etc. Il n'y a que des passages de grade. Et une autre spécificité qui étonne la plupart des gens concernant dans l'aïkido, c'est que on pratique entre débutants et gradés dans la même salle, tous ensemble, les mêmes techniques. Il n'y a pas un cours débutant, un cours gradé, un cours... On pratique tous ensemble. Et les hommes pratiquent autant avec les femmes, et puis il n'y a pas non plus de différence de gabarit, par exemple à la différence de la boxe. Donc tout ça fait que ça rend cet art martial un petit peu particulier. Pas de compétition. Les hommes, les grands, les petits, les femmes, les plus âgés, les gradés et les débutants, tous ensemble dans la même salle à pratiquer au mieux les mêmes techniques d'autodéfense, parce que ça reste un art de défense, mais qui a également pour exigence la beauté du geste et la perfection avec laquelle on doit accomplir cette efficacité défensive-là. Est-ce qu'on peut parler de chorégraphie ? Alors, on peut parler de chorégraphie uniquement lorsqu'on prépare par exemple une représentation, par exemple pour le Festival des Arts Martiaux ou la Nuit des Arts Martiaux. On prévoit un petit peu quel type de technique et d'attaque on essaie de mettre en œuvre avec un partenaire, qui devient plus un partenaire qu'un adversaire pour le coup. En revanche, on ne peut pas parler de chorégraphie lorsqu'on s'entraîne ou lorsqu'on passe un grade dans cette discipline, parce que la notion d'efficacité doit être présente, et l'aïkido présente un certain nombre de techniques très, très efficaces, qui jouent principalement sur l'immobilisation et la projection, un petit peu comme le judo, ou un petit peu comme le karaté, qui utilise également des frappes, ce qu'on appelle en japonais des atemi, et puis qui travaille le point de rencontre entre la frappe qui advient et la technique de défense par rapport à cette frappe. Et ce point de rencontre, eh bien, c'est le point d'action. Et c'est un point d'action martial, beaucoup plus que chorégraphique. Alors, pour essayer de comprendre la distinction, ce matin, on en a choisi trois, des arts martiaux, aïkido, judo, karaté. Ce qui est d'ailleurs une vision très européano-centrée des arts martiaux. Exactement. Parce qu'au Japon, c'est plutôt le sumo, je crois, donc, qui est l'art martial numéro un. Bien sûr. Voilà, oui, ce sera une prochaine série d'émissions. ce sera avec plaisir, d'ailleurs. Mais alors, je note quand même un point commun entre aïkido et judo. Et c'est un point commun qui est lourd de sens, c'est le fameux do dans les deux cas. Qu'est-ce que ça exactement. Veut dire do ? Alors, on retrouve ce substantif de la langue japonaise dans aïkido, judo et bushido, qui signifie la voix du guerrier. Et le do, c'est la voix. Qu'est-ce que ça signifie, la voix ? Dans la tradition japonaise en tout cas, c'est une voix plurielle, multiple, à plusieurs sens, et qui définit non pas seulement une pratique martiale ou un art défensif, mais une façon de vivre, d'être et de considérer les choses. C'est-à-dire que on fait rentrer également dans cette catégorie-là pas seulement des arts martiaux, comme le judo ou l'aïkido, mais l'art de la calligraphie, l'art du haïku, c'est-à-dire des tout petits poèmes japonais, l'art de faire des jardins à la japonaise, donc c'est l'art une éthique. De se coiffer, c'est une éthique de vie absolument, oui. Et qui a donc qui donne sa racine au judo et à l'aïkido, qui eux se sont distingués à différents moments dans le temps aussi, on peut le dire comme ça. Le judo a été créé avant l'aïkido. Absolument, absolument. Et puis il y a également, et il faut le mentionner, je crois que c'est important, l'aïkido reprend, bien que sa constitution soit plus récente que le judo ou le sumo par exemple, l'aïkido reprend quand même des techniques concernant les armes japonaises, le sabre japonais. Ouais. Il faut savoir qu'on le pratique également en aïkido. Donc, l'aïkido, c'est une discipline où on travaille à main nue essentiellement maintenant, mais il y a également la pratique des armes avec ce qu'on appelé auparavant le kenjutsu, donc l'art du dégainement du sabre japonais. Et on retrouve ce type d'exercice également dans la pratique de l'aïkido. Donc l'aïkido se pratique à main nue et puis armé. Quelle différence alors avec le karaté ? On va procéder par ces définitions en début d'émission, puis ensuite on pourra développer. On n'entend pas le do dans le karaté, et le karaté, la différence de l'aïkido et du judo, ne cherche pas le contact direct avec le corps d'autrui, n'est-ce pas ? Exact. La principale différence, à mon avis, entre le karaté et l'aïkido, par exemple, c'est que le karaté se concentre sur ce qu'on appelle en japonais les kion, c'est-à-dire, ou les katas, les techniques de base qu'on peut répéter seul en tant que pratiquant, pour la fluidité du geste, pour la beauté de la réalisation, pour l'efficacité, avec le kiai, c'est-à-dire le cri qu'on pousse au début de l'exercice du kata. Le kata, c'est un ensemble de gestes absolument codifiés et puis à réaliser avec la plus grande perfection possible. Donc c'est beaucoup d'heures d'entraînement, beaucoup d'heures de répétition, mais c'est quelque chose qu'on peut réaliser seul comme un auto-exercice. Dans la pratique de l'aïkido, on a besoin d'un partenaire, d'un adversaire, de tordre le poignet, de porter un coup, de l'immobiliser, d'immobiliser, de finir l'immobilisation au sol. C'est quelque chose qui se fait dans un contact de corps à corps, de chair à chair, d'attaque et de défense. C'est vraiment la question, la réponse, l'action et la réaction. Donc c'est très différent de l'application d'un kata ou d'un kion, c'est-à-dire d'une technique de base qu'on peut réaliser à la perfection tout seul, par exemple dans une démonstration de karaté. Même si j'imagine que pour apprendre ces sports, il y a un entraînement à suivre qui, dans tous les cas, se repose sur la répétition, sur le fait de reprendre Absolument. Éternellement le même geste. Absolument. Ça, je pense que c'est une constante dans la plupart des arts martiaux. On peut parler de la boxe, on peut parler du judo, on peut parler de l'aïkido, on peut parler du karaté, du MMA, du kung-fu. On doit répéter les gammes, comme au piano. Frapper sur le même sac des milliards de fois, répéter le même geste avec le partenaire des milliards de fois, jusqu'au point où on en a marre de le faire, où on s'ennuie à le faire, et où l'esprit, comme dirait Bergson pour citer un philosophe, où la conscience lâche prise. Et à ce moment-là, on arrive à un autre stade de la pratique, qui n'est plus la répétition et l'entraînement sur le même type de mouvement pour arriver à le faire à la perfection. Au moment, à mon avis, et c'est ce que j'essaie de développer dans mon livre, je pense que c'est une distinction conceptuelle très importante et qui concerne pas seulement l'aïkido, mais pour le coup, à mon avis, beaucoup d'arts martiaux, beaucoup de pratiques martiales. C'est la différence que je souhaite faire entre le mouvement et le geste. Le mouvement, c'est ce qui se répète justement, comme vous le disiez très justement, dans le temps et dans l'espace. On répète les mêmes types de mouvements pour arriver à les incarner, à ce qu'ils soient réalisés avec le plus de perfection possible. Mais au moment où la répétition a eu lieu, où l'entraînement a fait ses heures, eh bien, il arrive que la conscience lâche un peu, que la technique soit incarnée, incorporée, intégrée. Et à ce moment-là, on arrive à... Enfin, à mon avis, on passe du mouvement qui se travaillait par la répétition à l'advenir du geste pur, où il y a la beauté du geste en plus, et qui est moins réfléchi, mais plus incarné. Moi, personnellement, j'ai eu l'occasion de voir, par exemple, des maîtres japonais dégainer des vrais sabres, des katanas au Japon. Bah, il se trouve que sur 5 heures de pratique... On répète, nous, avec le sabre en bois, l'exercice de dégainement, là, on passe 4h30 là-dessus, et puis à la fin des 4h30, on voit le maître qui passe, et qui, lui, le dégaine à une vitesse où c'est même pas perceptible à l'œil, c'est invisible et imprévisible. Et ça, c'est plus de l'ordre du mouvement qu'on répète, ça, c'est de l'ordre du geste qui advient. Et je pense que c'est une distinction qu'on peut appliquer à plusieurs disciplines martiales. Et cette distinction entre mouvement et geste, elle traverse aussi l'histoire de la philosophie. Vous citiez Bergson, voici un extrait de La pensée et le mouvement, où il commence justement par définir ce qu'est le mouvement et la difficulté que nous avons à décomposer la durée au sein même du mouvement. Le risque, c'est de perdre le mouvement lui-même, et puis ensuite on aura une illustration de ce que c'est que le geste. Écoutez. Commençons par le mouvement. J'ai la main au point A, je la transporte au point B, parcourant l'intervalle AB. Je dis que ce mouvement de A en B est chose simple. Mais c'est de quoi chacun de nous a la sensation immédiate. Sans doute, pendant que nous portons notre main de A en B, nous nous disons que nous pourrions l'arrêter en un point intermédiaire, mais nous n'aurions plus affaire alors au même mouvement. Il est vrai que lorsque je regarde ma main allant de A en B et décrivant l'intervalle AB, je me dis... L'intervalle AB peut se diviser en autant de parties que je le veux, donc le mouvement de A en B peut se diviser en autant de parties qu'il me plaît, puisque ce mouvement s'applique sur cet intervalle. Mais réfléchissons-y un instant. Comment le mouvement pourrait-il s'appliquer sur l'espace qu'il parcourt? Comment du mouvant coïnciderait-il avec de l'immobile? C'est toujours d'un seul bond qu'un trajet est parcouru, quand il n'y a pas d'arrêt sur le trajet. Le bond peut durer quelques secondes, ou des jours, des mois, des années, peu importe. Du moment qu'il est unique, il est indécomposable. Avec une tapette, ce serait plus facile. Homme qui attrape mouche avec des baguettes est homme qui réussit tout. Vous en avez déjà attrapé? Non, jamais. Ça y est, monsieur Miyake, regardez. J'en ai une. Chance des novices. Alors ça veut dire que je peux tout réussir, monsieur Miyagi? Oui. C'est vrai, quoi? Mais d'abord, réussir à repeindre palissade. Entraînement en karaté. Quel karaté? Ça fait 4 jours que je me casse le cul et j'ai toujours rien appris. Beaucoup appris. Tu parles, j'ai appris à poncer les planches, à laver vos voitures, à repeindre vos maisons et vos palissades. Eh ben, ça me fait une belle jambe. Pas se fier aux apparences. Maintenant, peindre palissade. Monter, descendre. Monter. Descendre. Monter. Descendre. Maintenant, repeindre la maison gauche-droite. Bloquer poignet. Gauche-droite. Hey! Hey! Montrer peindre palissade. Hey! Hey! Montrer poncer parquet. Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Demain revenir. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et on vous propose une philosophie des arts martiaux cette semaine. Aujourd'hui, on parle d'aïkido, de karaté, de judo, en compagnie de la philosophe Coralie Camilli, qui a écrit L'art du combat aux éditions PUF et qui est une praticienne d'aïkido. Vous avez vous-même appris, je crois, l'aïkido chez un grand maître japonais. Ça se passe comme dans l'extrait de Karate Kid qu'on vient d'entendre. Absolument. On pense à ça ou à Pai Mei dans Kill Bill d'ailleurs, qui forme Béatrix Kido. Non, il faut. Alors, j'ai suivi au Japon plusieurs entraînements, les entraînements d'aïkido à main nue au Hombudojo, la maison mère de l'aïkido, et puis des entraînements au sabre dans la province de Saitama avec un autre maître japonais. Et puis, plus récemment, des entraînements de boxe thaïlandaise ici en France. Et la constante, c'est effectivement ce qui ressemble tout à fait à l'extrait qu'on vient d'entendre. C'est qu'au début, on arrive comme pratiquant, soit déjà gradé dans la discipline, soit complètement débutant et avec énormément d'enthousiasme et d'envie d'apprendre et d'envie de développer ses propres capacités, puis de faire ses preuves et puis d'aller au bout de ses limites. Et puis au lieu qu'on nous mette un sac de frappe ou avec un beau katana, et ben on nous dit tu vas pousser le chariot là-bas dehors pendant des heures. Et évidemment on est très frustré de le faire. Et puis on se rend compte petit à petit que c'est pas sans raison, c'est pas juste pour rabaisser un petit peu l'ego du nouveau pratiquant, c'est pas ça. C'est précisément pour revenir à ce qu'on disait précédemment sur la conscience qui est trop présente. Quand la conscience est... Dieu sait que quand on est nouveau pratiquant, on veut bien faire, mais ce vouloir bien faire, eh ben, nuit au bien faire. Parce qu'il y a trop d'attention qui sont portées à je veux faire bien, ou je veux frapper fort, ou je veux frapper vite, ou je veux apprendre l'enchaînement codifié de mouvements de la façon la plus parfaite. Et en réalité, les maîtres plus avancés dans la discipline savent très bien que le moment de la réalisation le plus parfait sera le moment où l'esprit se retire, comme dit Bergson, dont on a lu l'extrait juste avant. Et pour que l'esprit se retire, et pour que le mouvement soit plus lâche et plus abandonné, eh bien, il faut en passer par toute une série d'efforts et d'exercices jusqu'au moment où la conscience disparaît un petit peu. Ça, c'est une forme de transe, en fait, qu'on atteint. Un petit peu, oui, tout à fait, tout à fait. Mais je pense, pour l'exprimer en termes un peu plus... peut-être un peu plus rationnel, c'est laisser la place au corps un peu plus qu'à l'esprit. Voilà. La réflexion, elle nuit à l'incorporation, à l'incarnation, à l'intégration du geste parfait. Et bien qu'on en ait besoin au début pour apprendre la répétition et pour travailler la justesse du mouvement, mais pour advenir au geste parfait, là, il faut que quelque chose lâche. Il y a un terme en japonais qui s'appelle sutemi et qu'on entend dans les cours d'arts martiaux, hein, que ce soit en boxe, en aïkido ou au sabre japonais. Ça veut dire abandon, lâche. Et pour la petite anecdote, lorsque j'ai passé mon deuxième dan au Japon, j'étais encore dans l'idée de réfléchir à la perfection de l'épreuve, à travailler au maximum toutes les attaques possibles, les réponses possibles, les variations, les improvisations que je pouvais faire. J'essayais d'allier la force à la puissance, la vitesse à l'accélération, enfin d'avoir tout pour faire quelque chose d'absolument parfait. Et puis le vieux professeur japonais qui faisait partie de mon jury d'examen de mon deuxième dan m'a vu répéter comme ça des milliards de fois devant lui, et puis quelques minutes avant l'examen, il est simplement venu me susurrer à l'oreille comme ça en japonais, amuse-toi. Voilà. Donc ça voulait dire lâche un petit peu avec l'exigence de perfection, c'est à ce moment-là que ça va arriver. Oui, mais là, on est en plein cœur du paradoxe, parce absolument. Que cette exigence de perfection, elle doit bien préexister pour l'atteindre. Bien donc sûr, lâcher, bien oui, sûr. Mais l'intention précède quand même le fait de lâcher. Absolument, absolument. C'est l'intention de bien faire, je pense que c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. En tout cas, une condition nécessaire parce qu'on doit commencer par là. Et puis pas suffisante et même nuisible parce qu'on doit l'abandonner au moment où on veut que ce soit le corps qui s'exprime et pas le corps et l'esprit. Là, je pense que la jointure qu'on essaie de faire est très très occidentale. Au Japon, en tout cas, j'ai senti tout à fait l'inverse. Ouais. Le texte de Bergson qu'on a entendu trouve un écho différent quand on l'intègre dans ce type de réflexion. On a l'impression que c'est justement un spécialiste d'art martial qui est en train de décrire ses mouvements, hein, qui dit pour aller de A à B, est-ce qu'il suffit de faire un seul geste ou est-ce que justement le mouvement suffit? Il y a l'idée en tout cas très, très chère à Bergson qui nous est utile pour penser la pratique des arts martiaux dont nous parlons ce matin. C'est la distinction justement entre le temps et la durée, entre le mouvement et le geste, c'est-à-dire qu'il faut atteindre quelque chose qui n'est pas décomposable, qui n'est pas de l'ordre de la géométrie ou de l'arithmétique et qui est presque un autre degré de réalité, Coralie Camilli. Absolument. Moi, je pense que, effectivement, ce qu'on apprend avec Bergson, c'est que le mouvement dépend de la durée, au sens où il est reproductible, segmentable, fragmentable, qu'il se déroule dans le temps et dans l'espace comme une ligne qui suit des points tracés à l'avance, et puis on a affaire soit à une ligne, soit à une courbe, en tout cas à des points qui se rejoignent les uns les autres. C'est comme une sorte d'assemblage un peu mécanique, précis, et puis qui peut même aller jusqu'à la perfection. La ligne peut être parfaitement droite ou parfaitement courbe. Mais par exemple, concernant la distinction que je fais entre le mouvement comme ça qui se développe dans la durée et dans l'espace, le geste, à contrario, pour sa part, appartient à mon avis à une autre dimension. Il est, comme on pourrait dire en tout cas avec les mots de Bergson, intuition et volonté saisies ensemble au même moment. Et c'est pas comme si on traçait une ligne droite en suivant des points. Le geste, c'est comme s'il dépassait d'un seul coup tous les points et comme si c'était le traçage de points qui avait lui-même à suivre et à rattraper le geste qui était devenu. Intuition et volonté saisies ensemble au moment adéquat, puisqu'il ne suit le geste pur, aucune trajectoire prédéterminée par des points à l'avance, et puis du fait même, eh ben, il dépasse toute durée. Autrement dit, il est à mon avis un rapport pur et direct à l'espace et au temps. Mmh. Et il ne fait plus partie de la durée, il la dépasse largement. En tout cas, c'est la distinction conceptuelle que j'essaie de faire entre les deux, et je pense que c'est une distinction qui est peut-être... à développer philosophiquement et en tout cas avec comme support Bergson ou d'autres qui ont pensé la notion de corps, de praxis, d'activité, d'acte, de geste, de mouvement, de puissance. Mais c'est une distinction qui est tout à fait visible lorsqu'on assiste à un cours d'arts martiaux, puis quand on voit quelque chose, un geste absolument parfait, on se dit là c'est au-delà de la durée, de l'espace et du temps, c'est pas calculable, c'est imprévisible, irreproductible, c'est quelque chose de complètement pur. Ouais. Une autre distinction à laquelle vous procédez dans votre livre, c'est cette fois-ci entre la force et la puissance. Mmh. Vous l'avez rapidement esquissé tout à l'heure. Comment est-ce que vous distinguez les deux? Eh bien, à mon avis, c'est une distinction qui fait suite à la distinction entre le mouvement et le geste. Le mouvement qui se développe donc dans une durée segmentable, fragmentable, qui est celle du temps qui se déroule à travers l'espace par une liaison de différents points, enfin quelque chose de qui est presque de l'ordre du temps mécanique, entraîne évidemment l'usage de la force. Mmh. La force, c'est une force physique, musculaire, ça dépend donc du gabarit, les femmes n'auront pas la même force que les hommes, un petit gabarit homme n'aura pas la même force musculaire qu'un plus grand, etc. C'est ce qu'on voit par exemple en boxe anglaise, française, en Muay Thai, avec les différences de gabarit, et puis la pesée des poids avant le combat par exemple. Donc c'est quelque chose de très important aussi au niveau martial. Mais concernant l'aïkido, par exemple, cette dimension-là ne joue pas. Parce que ce qui s'y joue, c'est autre chose que la force, c'est la puissance. Et à mon avis, il s'agit de deux choses différentes. C'est pour ça qu'on a des catégories d'arts martiaux qui utilisent la distinction entre différents gabarits, les poids lourds, les poids légers, etc. C'est le cas du judo et du karaté également. Et puis, on a aussi affaire à des arts martiaux comme l'aïkido qui ne se basent pas sur cette distinction de force musculaire. Donc, on fait visiblement usage d'un autre type de force. Et à mon avis, cet autre type de force, moi c'est ce que j'appelle la puissance, et c'est pas de la force musculaire, c'est plutôt le retournement de l'énergie que le partenaire ou l'adversaire envoie à travers une frappe ou une attaque, et qu'on apprend à retourner, à convertir par un certain nombre de techniques d'immobilisation ou de projection, comme je le disais tout à l'heure en aïkido, mais qui ne se base pas sur la force, mais sur l'efficacité des torsions de certains membres du corps, ou bien de projection en utilisant des forces qui existent, comme la force gravitationnelle par exemple. On fait tourner le partenaire et puis on finit par une immobilisation. Et ça, quelques soit le type de gabarit, donc quel que soit le rapport force musculaire et puis grand ou petit, femme ou homme. Donc la puissance, ce serait la force maîtrisée ? Oui, exactement. Ce serait la force maîtrisée, et puis ce serait la maîtrise au sens de conversion, c'est-à-dire prendre avec et puis retourner contre. Par exemple, dans votre livre, vous citez l'exemple de la chute. Oui. Quand on chute, vous dites que ce n'est pas le fait de tomber, c'est le fait une chute est l'accusé de réception d'une action. Exactement. Oui. Donc accompagner le mouvement, ça c'est un exemple de puissance justement. C'est le moment où on maîtrise l'énergie dont vous parlez, qu'on était censé subir et qu'on arrive à contrôler. Absolument, oui. Je pense que la chute, c'est un exemple complètement paradigmatique de cet abandon de la puissance, parce que bon, d'abord on retrouve des chutes également au judo ou au karaté. Bon, ensuite il y a toute la question de la pratique au sol, qu'il faudra aborder en MMA, etc. Ça, c'est une dimension très très importante de l'abandon de soi, aller jusqu'au sol. Je veux dire, ça va pas de soi, pour nous qui sommes habitués à marcher sur nos deux pattes dans la rue tous les jours, etc. Donc c'est un autre rapport au corps qu'on touche là. Mais la chute n'est pas chuter, c'est pas tomber. Chuter, c'est accompagner le mouvement au sol. C'est deux choses très différentes. Et le fait d'accompagner le mouvement au sol et de pratiquer une chute, eh bien, c'est pas tomber ou se casser la figure, pas du tout. C'est l'accompagner avec un mouvement qui est maîtrisé aussi. Et est-ce que la pratique de ces arts martiaux s'accompagne d'une réflexion théorique? Parce que là, vous faites la distinction entre le corps et l'esprit. Et je posais la question au début d'émission de savoir s'il y avait une spiritualité derrière ces pratiques-là, voire même une philosophie. Vous-même parlez d'art martial et d'art du combat. C'est donc bien qu'il y a une armature théorique aussi derrière. Oui, bien sûr, absolument. Le fondateur de l'aïkido, par exemple, avait une phrase que je reprends d'ailleurs dans mon ouvrage. Il disait « L'aïkido, c'est avant tout l'étude de l'esprit ». C'est très intéressant pour un pratiquant japonais d'art martial qui a décidé d'en fonder un par lui-même. Pourquoi art martial? Je pense que oui, effectivement, on retrouve les deux dimensions. Le martial pur, la martialité, c'est-à-dire la question de l'efficacité. On prend des coups, on en donne, on a des épaules qui se déboîtent, on a des tibias fêlés, on a ce type de choses. On fait un usage du corps qui est violent. Très bien. Mais en quoi c'est un art? Eh bien, cet usage du corps consiste quand même en une maîtrise de la violence qui va jusqu'à la beauté du geste qui l'accompagne. Et cette transition-là, c'est une transition artistique, bien sûr, puisque la beauté du geste en particulier est aussi présente et aussi importante en termes d'exigence que la question de l'efficacité. Mais c'est intéressant de voir que se rejoignent la question de la beauté, une dimension esthétique qu'on associe souvent comme étant, enfin, à l'humanité elle-même, le raffinement ultime de la civilisation, à un instinct de survie, parce qu'au départ, ce sont quand même des sports qui sont là pour se défendre. Vous l'avez dit, c'est des techniques belliqueuses, conflictuelles de combat pour rester en vie contre l'ennemi. Bien sûr. Et ce qu'on apprend, à mon avis, quand on commence à pratiquer à un certain niveau, peut-être un petit peu à partir de la ceinture noire ou peut-être un peu au-delà, c'est que finalement, on se rend compte que l'efficacité et la beauté ne sont pas tellement deux termes contraires ou contradictoires. Plus une chose est belle, plus elle est efficace, et plus une chose est efficace, plus elle est belle dans un art martial. Et ça, c'est tout à fait étonnant, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de considérer la question de la beauté, de l'esthétique, comme allant à l'encontre absolument de la question de la violence et de la brutalité. Mmh. En réalité, c'est pour ça que j'utilise non seulement Bergson, mais aussi Leibniz, un autre philosophe, dans mon ouvrage, c'est que, à mon avis, comment comprendre le lien entre beauté et efficacité dans les arts martiaux ? Eh bien, on a tout intérêt à l'apprendre avec la notion de perfection. Oui. Et là, je me sers de la question de perfection telle qu'elle est abordée chez Leibniz, de manière très, très étonnante et puis à la fois très, très simple. Qu'est-ce qui est parfait ? Eh bien, c'est ce qui met en œuvre un principe d'économie. Le monde le plus parfait pour les Leibniz, hein, on le sait, en tout cas pour ceux qui ont touché un petit peu à la philosophie, eh bien c'est le monde qui met en œuvre le moins d'efforts possible pour le plus grand nombre d'effets. Il y a un principe d'économie qui définit ce qu'est la perfection. Une chose est parfaite quand elle nécessite le moins d'efforts possible pour le plus grand nombre d'effets, pour la réalisation la plus complète. Donc, autrement dit, on utilise le moins de choses possibles pour en produire le plus grand nombre. Mmh. Cette notion d'économie, on la retrouve à la lettre près en aïkido. Une technique est à la fois belle et efficace. Autrement dit, une technique est parfaite et parfaitement appliqué et parfaitement maîtrisé quand on utilise le moins de force possible pour un plus grand nombre de résultats, c'est-à-dire où on ne s'épuise pas à suer, à tirer, à pousser, à porter des coups trop forts, c'est-à-dire qu'on utilise vraiment le moins de techniques possibles pour un plus grand nombre de résultats, c'est-à-dire pour une immobilisation complète du partenaire ou de l'adversaire. Et finalement, en quoi la beauté et la violence se rejoignent ? Eh bien parce que la notion d'économie va avec celle de perfection. Qu'est-ce qu'un acte parfait ? C'est un acte qui a nécessité le moins d'efforts possible pour une plus grande réalisation en termes d'efficacité. Et donc je pense que ce sont des notions qui, loin d'être contraires, sont plutôt conjointes. Même si le principe d'économie dont vous parlez, le résultat d'un travail très très grand, enfin c'est pas le moins d'efforts possible, c'est pas synonyme de paresse, c'est justement c'est l'aboutissement d'un calcul qui chez Leibniz est divin, hein, celui de Dieu. Absolument. Justement, et donc demande un immense travail au préalable pour pouvoir identifier ce qui est la combinaison la plus efficace possible. Absolument, pour arriver à l'économie du geste, il faut en passer par la répétition des entraînements inlassablement dont on parlait tout à l'heure. L'économie n'est pas quelque chose qui advient par paresse, c'est quelque chose au contraire qui advient par travail et par répétition. Oui, entièrement d'accord. Alors, vous parlez de ce lien entre violence et beauté. Allons encore plus loin, prenons un exemple paradigmatique, un geste qui paraît incompréhensible, qui est d'une violence inouïe. Et peut-être est-il aussi le lieu d'une certaine beauté. Écoutez l'écrivain japonais Mishima parler de lui et un extrait de sa nouvelle « Patriotisme ». Mon nom est Yukio Mishima. Je suis écrivain et auteur dramatique. J'ai 43 ans. Je suis influencé profondément par l'Occident, mais je suis essentiellement traditionnaliste. Je suis aussi un samouraï par tempérament. La lame avait certainement percé la paroi du ventre, se dit-il. Il respirait avec difficulté. Son cœur battait à grands coups, et dans quelques profonds lointains dont il pouvait à peine croire qu'il fût une part de lui-même, surgissait une effrayante, une abominable douleur, comme si le sol s'était ouvert pour laisser échapper une lave brûlante de roches en fusion. La douleur se rapprochait à une vitesse terrifiante. Le lieutenant se mordit la lèvre pour éviter un involontaire gémissement. « Le seppuku, » se dit-il, « est-ce cela ? » On aurait dit le chaos absolu, comme si le ciel lui était tombé sur la tête, comme si l'univers ivre titubait. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Mishima est un écrivain japonais qui pratiquait le kendo, le sabre. Le 25 novembre 1970, il se rend au deuxième étage de l'école militaire du quartier général du ministère de la Défense, se donne la mort par suicide rituel, seppuku, après avoir pris en otage le général commandant en chef des forces d'autodéfense et avoir tenu un discours en faveur de l'empereur et du Japon traditionnel. Et donc, suivant le rituel, qui est décrit dans le texte que vous avez entendu ensuite, le texte de Mishima lui-même, La Nouvelle Patriotisme, eh bien, il s'ouvre le ventre et son camarade doit accomplir la décapitation, c'est ça, une fois que le ventre est ouvert, et il Absolument. Décrit la manière qu'a la tête de tomber, et il dit, mais la tête est tombée avec une telle grâce que ça ne pouvait être qu'une sorte de samouraï qui avait opéré ce geste. Oui. Est-ce qu'on est là dans le même registre de la pratique de l'art martial, Coralie Camille? On a l'impression qu'on est ailleurs quand même, là, on a affaire à quelqu'un qui se donne la mort. Eh bien, d'une part, on retrouve toujours la violence pure, cette fois retournée contre soi-même, et puis d'autre part on retrouve quand même la beauté du geste, puisque vous venez de l'évoquer, la tête est tranchée d'une certaine manière, et à ce qu'elle se décroche très légèrement du buste, et puis à ce qu'elle tombe d'une certaine manière. Donc l'exigence de beauté fait encore côte à côte avec la violence pure. Et d'ailleurs il y a une phrase du fondateur de l'aïkido, qui est la suivante: gardez à l'esprit que vie et mort sont toujours devant vos yeux. Et moi qui ai pratiqué un petit peu au Japon, j'ai eu droit à un cours sur le seppuku, sur le suicide rituel. Alors il faut savoir qu'il existe plusieurs pratiques et plusieurs noms du suicide rituel japonais. Il est composé essentiellement pour les hommes de deux moments principaux, comme on vient de l'évoquer, pour la mise à mort. Après que le protagoniste ou le sujet principal se soit ouvert le ventre avec un tout petit sabre ou un poignard, il y a un assistant qui procède à la décapitation. Les armes utilisées varient, mais c'est toujours considéré comme un honneur de faire seppuku, soit de se donner la mort soi-même, soit d'être l'assistant qui va procéder à la décapitation. Honneur, tu n'avais pas encore prononcé le mot jusque-là. Exact, exact. C'est-à-dire que ça correspond à un code? Absolument, absolument. Et là où Mishima le sait très bien, c'est que le code, c'est celui des samouraïs. C'était les premiers à pratiquer le seppuku, le suicide rituel. Ils le faisaient d'abord par pure question d'honneur, sans qu'il soit question de défaite ou d'honneur propre, par exemple, sur le champ de bataille, mais simplement parce qu'ils auraient manqué à un devoir envers leur chef de clan, ou parce qu'ils ne se seraient pas bien coiffé le chignon le matin, et puis ils n'auraient pas été... Donc c'était quelque chose de très, très ritualisé, d'une part, et puis très ancré dans la vie quotidienne des samouraïs, d'autre part. Il y avait également la notion d'obligation. Le samouraï était quand même obligé d'un certain nombre d'actes, de pratiques au quotidien, d'obéissance envers son clan, de respect absolu envers les chefs de clan qu'on appelait les daimyo, qui régissaient les différentes provinces comme ça au Japon à l'époque des samouraïs. Et puis évidemment, les dernières obligations que les samouraïs avaient, c'était sur le champ de bataille. Il fallait surtout pas manquer de... C'était pas bien au-delà, à mon avis, de la question de la défaite ou de la victoire. C'était surtout une obligation de courage. Valait mieux être défait courageusement que obtenir une victoire de manière un peu lâche. Donc la question du courage et de l'honneur était beaucoup plus importante que celle de la victoire ou de la défaite. Et on les retrouve, la question du courage et de l'honneur, dans les arts martiaux, dans la pratique des arts martiaux aujourd'hui. Dans quelle mesure ceux-ci sont-ils les héritiers du code samouraï? Absolument. D'abord en aïkido, par la préservation qu'on a du partenaire avec qui on travaille, par exemple. C'est-à-dire qu'on va toujours arrêter une projection ou une immobilisation avant qu'il se blesse. Contrairement, par exemple, c'est ce qui fait le contraire d'une pratique comme celle de la boxe, par exemple, ouais, où on peut aller jusqu'au chaos. En aïkido, par exemple, qui est un art martial, donc qui dérive de la pratique des samouraïs, de la relation au sabre, de vraiment la culture japonaise dans tout ce qu'elle a de pudique, de violente et d'exigence de beauté en même temps, eh bien, on retrouve effectivement cette exigence de préserver le partenaire au mieux qu'on peut. Donc c'est-à-dire que la torsion de poignet qu'on va effectuer lors de l'arrêt d'une attaque en aïkido, eh bien on va tourner le poignet, pas jusqu'à le casser, pas jusqu'à le fendre, bien que la technique soit assez efficace pour le faire, mais jusqu'à ce que le pratiquant tape au sol l'arrêt, comme quoi il a très mal et ça suffit. Mmh. Donc il y a la notion de préservation d'autrui, par pur respect de l'attaquant et de l'adversaire qu'on a en face. Mais alors quel rôle joue la mort dans ce cas ? C'est pour ça que ça m'intrigue cet exemple de Mishima. On a l'impression, oui, que la mort serait le geste ultime qu'il faudrait atteindre, enfin la mort qu'on se donne à soi, mais c'est pas le cas dans l'aïkido par exemple. La question de la mort doit être toujours présente. On le voit surtout dans la pratique des armes en aïkido, beaucoup plus qu'un manu par exemple, puisqu'on sait avec plusieurs années par exemple de pratique au sabre de bois, ce qu'on appelle le boken. On fait d'abord des entraînements très codifiés, les katas, les frappes simples, tac-tac, les sabres de bois se cognent. Et puis au fur et à mesure où on avance dans la pratique et qu'on utilise des armes un petit peu plus dangereuses et qu'on voit très bien que les katas qu'on a appris, c'est-à-dire les mouvements codifiés au sabre, se jouent à la seconde près ou à la demi-seconde près, et qu'on a tout intérêt à l'arrêter pile poil à la gorge du partenaire parce que sinon le risque de trancher la tête est clairement réel, eh bien le rapport à la mort et à la violence est beaucoup plus perceptible par exemple que dans le combat à main nue. Mais c'est aussi une pratique de l'aïkido, donc bien sûr on le retrouve, c'est vrai, plus avec les armes qu'à main nue sans doute. Et puis certainement à main nue, plus en boxe qu'en aïkido par exemple. Les coups portés sont pas des atemi, c'est-à-dire des frappes, mais vraiment des coups placés au bon endroit, sur la tempe ou en bas de la mâchoire ou au foie, pour provoquer un chaos et bam, l'adversaire tombe. En aïkido, on fait en sorte que l'adversaire reste encore un partenaire, c'est-à-dire qu'il soit l'occasion de travailler la pureté du geste et la beauté des techniques. Là où on sent clairement le rapport à la mort, c'est effectivement lors de l'utilisation des armes, où là ça devient un peu plus concret. Mais on retrouve justement le rapport entre corps et esprit, parce que c'est la manière que vous avez d'en parler, c'est comme si finalement la possibilité de donner la mort par le corps était une manière de la contrôler par l'esprit. Je crois que c'est à propos de l'aïkido justement, où je ne sais pas si c'était le fondateur de l'aïkido, mais c'est lui qui disait qu'il fallait remplacer le sabre par le sabre de l'esprit. C'est ça, hein, donc il y a comme une transposition du corps à l'esprit qui est directe ici. Oui, absolument, absolument. Et c'est d'ailleurs une phrase que vous citez très justement et qui se retrouve à peu de choses près, pour faire une aparté concernant mes recherches, à peu de choses près dans la tradition juive, le glaive le plus dangereux est celui de l'esprit. Voilà ce qu'on trouve c'est une citation du Talmud et de la tradition juive. Donc oui, il y a cette idée que effectivement l'esprit doit être aussi affûté que le corps et le corps doit être aussi affûté que le sabre. Si bien que la question qu'on se pose, c'est celle que formulait déjà Spinoza, en fait, que peut un corps ? Personne, il est vrai, n'a jusqu'à présent déterminé ce que peut le corps. Personne, en effet, ne connaît si exactement la structure du corps qu'il ait pu en expliquer toutes les fonctions. Pour ne rien dire ici de ce que l'on observe maintes fois dans les bêtes, qui dépasse de beaucoup la sagacité humaine, et de ce que font très souvent les somnambules pendant le sommeil, qu'ils n'oseraient pas pendant la veille. Et cela montre assez que le corps peut, par les seules lois de sa nature, beaucoup de choses qui causent à son âme de l'étonnement. Nul ne sait, en outre, en quelles conditions ou par quels moyens l'âme meut le corps, ni combien de degrés de mouvement elle peut lui imprimer, et avec quelle vitesse elle peut le mouvoir. D'où suit que les hommes, quand ils disent que telle ou telle action du corps vient de l'âme, qui a un empire sur le corps, ne savent pas ce qu'ils disent, et ne font rien d'autre qu'avouer, en un langage spécieux, leur ignorance de la vraie cause d'une action qui n'excite pas en eux d'étonnement. Rappelons, Coralie Camilli, puisque vous citez Spinoza et un extrait de ce texte dans votre livre, que pour Spinoza, corps et âme, ici c'est la traduction de Charles Lapune, sont deux versants d'une même idée, d'une même réalité, que la distinction corps-âme ou corps-esprit est factice, Qu'en est-il dans la pratique de l'art martial qu'est la vôtre, puisque vous disiez, mais le but c'est justement de taire l'esprit, de taire la conscience, c'est le corps qui prend le relais, n'est-ce pas une manière de reconduire à nouveau frais ce fameux dualisme, distinction corps-esprit, voilà, dont Spinoza cherche à venir à bout en fait. Absolument. Merci pour la question, parce que c'est vrai que chez Spinoza, le corps et l'esprit sont deux modes d'une seule et même substance. Et puis d'ailleurs, la distinction n'est pas bien plus tranchée dans la tradition japonaise, à mon avis. Après, la question, c'est concernant l'usage qu'on fait de l'esprit ou du corps, beaucoup plus que de la liaison entre les deux, ou de leur pure identité, ou est-ce qu'il s'agit de deux entités absolument disjointes ou conjointes. Je veux dire, la question, à mon avis, est plus celle de l'usage que celle du rapport entre les deux. Comment on fait usage des deux, ou de chacun des deux, ou de l'un séparément de l'autre. Je pense qu'il y a dans la pratique des arts martiaux deux phases. La première est celle de l'entraînement où l'esprit supplante un petit peu le corps parce qu'on est attentif à tout, parce qu'on veut bien faire, parce qu'il y a un vouloir et il y a une volonté qui est très présent, voire trop présent, hein, si on en croit les maîtres japonais. Et puis une deuxième phase où l'esprit se retire un peu, la conscience laisse place aux réflexes qui ont été incarnés par la répétition des mêmes mouvements. Et à ce moment-là, on a affaire à quelque chose de très étonnant, c'est l'improvisation. Donc là, on est à l'opposé du travail de chorégraphie dont on parlait tout à l'heure. Quand on arrive à la maîtrise de quelque chose, on peut improviser. Il y a, on citait Spinoza, mais il y a également la phrase de Nietzsche. Qu'est-ce que maîtriser quelque chose ? C'est quand ni je me trompe, ni je n'hésite. Et quand on arrive à ce point-là de maîtrise d'une technique, que ce soit au sabre ou en aïkido à main nue, et ben là, on a ce qu'on appelle le dépassement des katas, c'est-à-dire des formes codifiées, pour en arriver aux variations, aux improvisations. Et là, il y a une liberté du corps qui est absolument extraordinaire. Et il faut effectivement que la conscience se détache un petit peu, que ce soit le sang dans toutes les veines qui parle, que ce soit les tendons, les muscles, les os qui s'expriment, et puis que l'attention portée au geste parfait disparaisse un peu. Et paradoxalement, c'est là où ça devient le plus parfait possible, à mon sens. Et donc, c'est quand même une expérience j'ose pas dire de jonction entre le corps et l'esprit, mais d'une espèce d'harmonie. Absolument. C'est ça, oui, surtout dans l'aïkido, non ? Oui, très très juste. Oui. Et ce serait ça qui conduit les personnes à pratiquer ces arts martiaux, en fait, plus que le rapport à la violence, plus que le rapport à la beauté, c'est une espèce de quête pour une harmonie, parce qu'au fond, quiconque atteint l'harmonie a peut-être l'illusion, mais semble atteindre une forme de sens aussi qui nous manque. Oui. Enfin, je sais pas, à titre personnel, est-ce que c'est ça qui vous meut ? Alors, moi personnellement, non. Moi, j'ai cherché dans la pratique martiale d'abord et avant tout un rapport à la violence. Moi, j'avais besoin de connaître mes propres limites, ce que le corps pouvait supporter, pour parodier un petit peu Spinoza. Pas seulement ce que peut le corps, mais ce qu'il peut supporter, comme effort, comme douleur, comme dépassement de soi. Moi, c'est personnellement ce qui m'a intéressé dans la pratique martiale. Après, évidemment, quand on a affaire à des techniques qui sont à la fois belles et efficaces, on va chercher jusqu'à la perfection et la beauté du geste, c'est sûr. Ça, c'est quelque chose qui, pour ma part, est advenu après. Quant à la question de l'harmonie, elle est pleinement présente dans l'exigence de la plupart des pratiquants d'arts martiaux. Chez moi, pas encore. Soit je suis encore trop débutante, soit pas tout à fait dans l'esprit qu'il faut. En tout cas, bien maîtriser la violence et puis maintenir en même temps l'exigence de beauté, pour moi, ça me suffit dans ma propre pratique pour l'instant. Mais expérimenter les limites du corps, voir jusqu'où, voir ce qu'il peut supporter, hein, c'est ainsi que vous en parliez, c'est peut-être le seul lieu où on peut le faire à ce point, au fond, parce que c'est une expérience qui vous conduit à aller vers cet art martial et qui, en même temps, vous permet de la maîtriser, cette expérience, au fond. Oui, bien sûr. Non ? Bien sûr. Mais en même temps, par exemple, quand j'ai eu l'occasion d'étudier le judaïsme pour la rédaction de ma thèse doctorale, ce qui a priori n'a rien à voir, eh bien, Non, pour moi, il y a une grande continuité entre l'étude que j'ai fait du judaïsme, qui s'est également déroulée dans une pratique juive, dans une communauté juive, où il y avait un certain nombre de rituels, et les rituels se passaient avec le corps, et puis la pratique des arts martiaux ensuite, où j'ai essayé d'appliquer des concepts philosophiques et des distinctions conceptuelles à une pratique du corps. Donc il y avait une pensée de ce que peut le corps, déjà dans l'étude du judaïsme, et puis ensuite un usage du corps et de ce dont est capable de réfléchir l'esprit par la suite dans la pratique des arts martiaux. Donc je pense que quand on étudie une discipline à fond, on doit de toute façon faire usage des deux. Je pense que pour avoir une approche assez complète, oui, la distinction tient plus trop. Après, oui, la question de l'usage et du dépassement de soi et du dépassement des deux capacités, et physique et intellectuelle, oui, se retrouve à nombreux niveaux. Et puis, moi, personnellement, ça reste mon exigence qui passe avant toutes les autres. Ouais. Sans compter que dans les études et la recherche philosophique que vous avez faite, il y a aussi le lieu d'une forme de recherche de l'épreuve de l'esprit. Vous voulez savoir ce que le corps peut, c'est aussi, mais que peut l'esprit ? Absolument. On s'engage pas dans une thèse sans être mis aussi par cette question-là. Absolument, absolument. Et puis, ce qu'il y avait d'intéressant dans la rédaction de ce livre, L'heure du combat, dont on a cité un petit peu quelques éléments de contenu, eh bien, c'était... Est-ce que l'esprit peut faire retour sur la pratique qu'a eu le corps ? Ouais. J'ai écrit ce livre au moment où je pratiquais au Japon et je prenais d'abord des petites notes d'après-cours sur tel ou tel exercice à faire, sur comment placer la jambe, comment placer la main, comment se déplacer, comment appliquer le... Voilà. Et puis ces petites notes très pratiques, très pragmatiques sur vraiment l'exercice d'entraînement et de répétition pure, eh bien quand on sort de la philosophie, on a envie d'approfondir un petit peu ces choses-là et puis d'essayer de poser des outils conceptuels sur des choses très, très corporelles et très pratiques. Et puis, voir un petit peu, est-ce qu'on peut penser ce que peut le corps et puis est-ce que le corps peut ce qu'on peut penser. Donc voilà, moi, ce qui m'intéressait à travers cette petite recherche, c'est vraiment explorer le lien entre le corps et l'esprit et puis voir jusqu'où les deux peuvent aller. Ouais. Et donc on peut lire aujourd'hui L'art du combat, qu'on trouve aux éditions PUF, et on mettra votre bibliographie en ligne, parce qu'il y a aussi d'autres ouvrages que vous avez écrits, hein, Coralie Camilli, on le mettra sur le site des Chemins de la Philosophie. Merci beaucoup d'être venue ce matin. Merci à vous, c'était un plaisir. Nous parler de cette philosophie des arts martiaux, on se quitte avec Akiko Yano, Tadaima. Culture, les chemins de la philosophie, on passe des arts martiaux à la chronique d'Aurélien Bélanger. Parfois, c'est la même chose. Restez à l'écoute. Tu les aimes, tes cours de philo ? C'est vraiment très enrichissant. Ça demande encore un peu de pratique. Même si aujourd'hui, je crois que ce ne sera pas une chronique belliqueuse. Bonjour Aurélien Bélanger. Aussi, un petit peu. Bonjour Adèle. Alors, votre question ce matin est la suivante. Est-on passé à côté de l'incroyable, ce sont vos mots, famille Kardashian ? Eh bien, je voyais l'autre jour l'ombre d'un prunier passer sur la pelouse et j'étais frappé du caractère discontinu du spectacle. La pelouse ne présentant pas une surface plane et le prunier pas un écran totalement opaque, je me suis laissé un temps absorber par la complexité du phénomène. Il y avait en plus du vent et les taches lumineuses sautaient à travers les mottes d'herbe, formant des motifs difficiles à saisir et qui rappelaient un peu l'avant-garde du muet quand la capture du mouvement était un art si neuf, qu'elle avait elle-même quelque chose de saccadé et qu'on allait au cinéma moins pour la confirmation que le monde bougeait, mais pour ressentir plutôt, par le montage notamment, le caractère asynchrone de ce qui nous avait paru jusque-là relevé de l'harmonie du cosmos. Je me suis alors logiquement demandé quelle forme d'art, aujourd'hui, pourrait témoigner d'un tel phénomène, à l'heure où les séries et les films, qui coulent sans effort sur la page d'accueil des plateformes de streaming, ont atteint quelque chose d'un peu académique et de sirupeux. Nulle surprise à en attendre, pas le moins jumpscare esthétique à l'horizon, le produit artistique fini de ce début de 21e siècle m'intéressait moins soudain que l'ombre de ce prunier qui, elle, au moins savait encore me surprendre, comme les Kardashians en réalité, dont les aventures s'entremêlent comme une glycine à la réalité et crèvent tous les écrans, tous les quatrièmes murs, en faisant de la restitution audiovisuelle de leur vie non plus une série absolument, mais un objet hybride, une télé-réalité entre la Commedia dell'arte, pour l'improvisation permanente, et le romanesque le plus ancien. J'ai vu soudain, dans l'herbe agitée par le vent, une connexion possible entre les sœurs Kardashian et les filles du Dr March. Oui, et ce que je sens chez vous, Aurélien, une sorte de posture, non? Vous pensez vraiment que l'incroyable famille Kardashian est l'une des grandes œuvres de notre temps? Bah, je vais vous faire un aveu, en fait, et quitter un peu ce jardin péremptoire où je somnole à moitié. J'ai dû voir, à tout prendre, 10 minutes d'épisode seulement sur les 20 saisons que compte la série, qui raconte donc les aventures d'une famille de célébrités millionnaires, avec comme intrigue principale, peut-être, comment elles deviendront progressivement milliardaires. Où il y a des personnages secondaires aussi géniaux que Kanye West. Et de ce que j'ai vu, un jour, pour son anniversaire, une des sœurs se faisait offrir une séance de dérapage contrôlé sur un lac salé, et de la famille Kardashian, je ne sais à peu près rien d'autre. Mais de ce que j'ai compris, c'est que ça ressemblait à ces séquences post-génériques des Simpsons, juste avant que l'intrigue principale commence, et qui sont une manière géniale pour les scénaristes de faire vivre un condensé d'aventures baroques à leurs personnages. Sauf qu'il n'y a pas vraiment de scénariste à l'œuvre ici, ou plutôt un seul, l'argent. L'argent qui permet aux héroïnes de la famille Kardashian de réaliser tous leurs caprices. Les arcs narratifs, fétiches usés jusqu'à la corde des séries classiques, n'existent plus ici. Le spectacle est à peu près pur, dégagé des normes paralysantes du récit conventionnel. Et ce serait ça, en dernier lieu, la famille Kardashian, une sorte de révolution dans l'art de raconter les histoires? Bah ouais, c'est ce que je me suis formulé, en tout cas devant les ombres folles de mon jardin, en pensant aussi, comme si je tenais enfin une prise esthétique sur ce grand flux d'images qu'on aurait tort de prendre, je crois, pour une simple décadence, je pensais au tube bizarre des Black Eyed Peas, en apparence aussi désordonné, aussi disharmonieux que cette famille, et dont l'efficacité redoutable, si on la compare par exemple à une chanson des Beatles d'il y a un demi-siècle, nous fait mesurer soudain le chemin parcouru, et la certitude que j'ai eue, c'est qu'on était enfin sorti du XXe siècle avec ces œuvres beaucoup plus ambitieuses qu'elles n'y paraissent et qui relèvent peut-être, si visibles qu'on a oublié de les voir, de la véritable avant-garde de notre temps. Merci beaucoup Aurélien Bélanger, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Jules Barbier qui a préparé cette émission en compagnie de Manon Delasselle, Clémentine Marais, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise pour vous cette série autour des arts martiaux. À la prise de son aujourd'hui, c'était Élise Leu. À la lecture des textes, Bernard Gabet. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre série autour de la philosophie des arts martiaux. On parlait de Kung Fu de Bruce Lee hier. D'aïkido principalement ce matin en compagnie de Coralie Camilli. Et bien demain nous parlerons de MMA. Faut-il cogner pour devenir meilleur? La question se pose, et combien? Et ce sera Mathieu Kidou qui sera en studio avec nous pour en parler. Jeudi on parlera de boxe thaï. Comme ça vous avez le programme complet, vous pouvez évidemment le consulter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie, un site qui est animé, entretenu, nourri quotidiennement par Anaïs Isbert. Allez y jeter un œil, vous trouverez les citations de l'émission, les références bibliographiques, musicales, cinématographiques. Vous êtes nombreux à nous les demander, elles se trouvent toutes en ligne peu de temps après l'émission. Soyez patients quand même un petit peu pour que les informations y figurent. Rendez-vous aussi sur les réseaux sociaux, on est toujours ravis de vous y retrouver. Instagram, Twitter, Facebook. Et enfin, pour réécouter l'émission, vous le savez, vous pouvez soit vous rendre sur le site de France Culture, soit télécharger, podcaster l'émission via l'application Radio France ou iTunes ou Spotify. Nombreuses sont les plateformes qui vous permettent de le faire. Comme ça, vous écoutez l'émission où vous voulez et quand vous voulez. Allez, on se retrouve demain à 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture. Vous aimez ce podcast? Avec l'application Radio France, retrouvez l'intégralité des épisodes et toutes les émissions et podcasts des chaînes de Radio France.